Maïf. Le prix. Qu'est-ce qui doit définir le prix d'une assurance? L'intérêt des sociétaires ou celui des actionnaires? À la Maïf, chaque acte compte. Et notre modèle nous permet de fixer un prix juste. Un prix qui finance l'indemnisation de nos sociétaires, le fonctionnement de notre mutuelle et rien ni personne d'autre. Maïf, assureur militant. Cette année encore, nous avons Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, Les Retours du passé, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que plus de 70 ans après la fin de la guerre, les derniers témoins commencent à disparaître et que de plus en plus se pose la question de comment transmettre la mémoire de la Shoah, y compris au sein de sa propre famille, y compris quand on n'en a pas envie. Et dans vos oreilles aujourd'hui, une cour qui a disparu, un arbre à Mirabel, les cauchemars d'une mère et une femme qui déambule dans un cimetière à la recherche des tombes de sa famille. Mais pour commencer, troisième épisode, on entend le vent. Es gibt immer Wind, es gibt hier zu wenig Hindernis für Wind. Le vent souffle toujours ici. Il n'y a pas assez d'obstacles pour l'arrêter. Das würde ich sagen, ist die das Hauptgeräusch. Le vent, c'est le bruit qui domine. Und dann noch die Autobahn. Puis il y a l'autoroute. Und der Lärm. Le bruit de l'autoroute qui arrive jusqu'ici. Eigentlich zugetragen und C'est seulement avec le temps que j'ai commencé à percevoir ce bruit. Je ne l'entendais pas dans mon enfance. Peut-être parce qu'on y était habitué, peut-être aussi parce que l'autoroute a été élargie et que le trafic a augmenté dans des proportions auparavant inimaginables. Je m'appelle Reinhard Kaiser-Müllecker, je suis né en 1982 à Kirchdorf an der Krems. À environ 20 km dans les montagnes. Ici, la localité s'appelle Eberstadt-Zell. Elle se trouve à environ 200 km à l'ouest de Vienne et à 100 km à l'est de Salzbourg, en bordure de l'autoroute de l'ouest. Et à moins d'être extrêmement pressé ou extrêmement perdu dans mes pensées, je ne peux pas passer devant cette autoroute sans me souvenir des choses, sans me rappeler les faits, sans repenser à l'origine de cette autoroute, à la période et aux circonstances dans lesquelles elle a été construite. Je lis ces choses-là, ou plutôt ce sont elles qui me racontent leur histoire sans que j'aie besoin de la deviner. Mais il est vrai que nous ne venons pas de nulle part. Je pense que les temps sont toujours survivants. Il y a toujours du passé qui survit. On a tous un passé. Tout le monde a une mémoire et tout le monde a un présent. C'est ça qui est intéressant. Les Retours du passé, une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. Dans mon enfance, l'histoire ne faisait aucun bruit. Aucun récit de l'histoire ne parvenait jusqu'à moi, pas plus que le bruit de l'autoroute. Je ne l'entendais pas. Parce que son histoire remontait aux années de la guerre, qu'il y avait ce fameux slogan qui circulait, et certainement pas uniquement dans la région. Hitler était un homme qui tenait la route parce qu'il nous avait construit l'autoroute. On restait accroché à ce genre de phrases. Je ne sais pas si ce sont mes oreilles qui ont changé ou si c'est mon attention qui n'est plus la même. Mais j'entends maintenant le bruit de l'autoroute, que je le veuille ou non, et je vois l'histoire, même si j'aimerais parfois ne pas toujours en avoir autant conscience. Mais il ne faut pas croire seulement que... quand on va vers une chose du passé, on retourne au passé. Pas du tout, on ne retourne pas au passé. C'est le passé qui retourne vers nous. Mémoire en héritage. Dans le paysage natal, la mémoire familiale ou l'inconscient collectif, les souvenirs rôdent comme des fantômes. Il y a ceux qui les fuient, ceux qui osent s'y confronter, quel que soit le chemin emprunté, on hérite toujours du passé. Je m'appelle Darek Gajewski. Je suis réalisateur, scénariste et producteur de films. Je suis né à Częstochowa et je vis à Varsovie depuis 25 ans. Qu'est-ce que c'est que vivre dans cette ville? Je louais un appartement à Muranów, qui est un quartier de Varsovie. Je voulais accrocher des tableaux. Alors, j'ai pris un marteau et des clous et j'ai commencé à les enfoncer dans le mur. Mais je n'ai jamais pu accrocher un seul tableau, car les clous s'enfonçaient immédiatement dans le mur. Ne s'y fixaient pas, et je ne comprenais pas pourquoi. Après avoir mené une petite enquête, j'ai finalement appris que toutes les maisons de Muranów avaient été construites avec les décombres de Varsovie en ruine. J'habite maintenant le quartier Ochota, dans un immeuble qui date de 1937. Dans la cave de cet immeuble, il y a des murs de briques sans enduit, des briques tout à fait normales, sauf qu'elles sont noires. Et pourquoi sont-elles noires? Parce qu'en 1944, quand les Allemands sont arrivés dans Varsovie, ils ont brûlé au lance-flammes tous les Polonais qui se cachaient dans les sous-sols. Ces traumatismes affectent toute notre existence. Ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Et même si on ne se souvient plus vraiment de tout cela, même si on essaye de ne pas s'en souvenir en cherchant à transformer ce traumatisme en quelque chose de plus agréable, de plus vivable, cette horrible expérience de la Seconde Guerre mondiale est toujours là. Physiquement, elle est matériellement présente. Là, nous sommes dans la rue Bałckiego, Bałckiego numéro 2. C'est là où je vivais quand j'étais petite, jusqu'à peu près l'âge de 7 ans. Et tous mes souvenirs, en fait, le souvenir le plus profond, le plus fort, sont liés à cet endroit-là. J'ai quitté cet endroit il y a un peu plus de 40 ans. Et depuis plus de 40 ans, je n'ai jamais réussi à entrer dans la cage d'escalier. Et pourtant, qu'est-ce que j'aimerais bien y entrer. sentir l'odeur, en fait, retrouver cette odeur de l'enfance. La seule chose qui m'effraie dans ce bâtiment, et d'ailleurs dans tous les bâtiments, ce sont les caves. Je ne sais pas, j'aime pas les caves, j'ai peur. Mais c'est vrai que je reviens souvent dans cet appartement, dans mes rêves. Nazywam się Agnieszka Zgieb, urodziłam się we Wrocławiu, Breslau. Je m'appelle Agnieszka Zgieb, je suis née à Wrocław, Breslau. Moi, je suis un peu fatigué avec cette énergie noire qui reste dans cet bâtiment, dans cette ville. Et je pense que probablement était meilleur pour nous de faire quelque chose de nouveau, d'oublier un peu de cette chose. Je m'appelle Przemek Nowakowski. Je suis né à Varsovie en 1970. Nous sommes ici dans le quartier du vieux Ochota, ou plus précisément à Filtry, dans la rue Filtrova. Gdzieś tam od lat 90. zacząłem mieszkać w różnych miejscach w Warszawie. Dans les années 1990, j'ai commencé à vivre au centre de Varsovie. I bardzo często były to też là où ma famille avait vécu avant la guerre. Mieszkała moja rodzina w tym mieście. Prześladowało mnie jedno doświadczenie. To doświadczenie było et j'étais horrifié. Taką zgrozą, horrorem. Ça me hantait. Parce que je faisais à chaque fois le même constat. Dans chaque immeuble où j'emménageais, il y avait toujours en dessous comme une sorte de cimetière. Il y avait toujours soit un hôpital pour insurgés, soit une tombe, des abris, des caves. Et même quand je m'installais dans des bâtiments neufs, j'apprenais par la suite qu'ils avaient été construits sur les ruines d'anciennes bâtisses qui s'étaient effondrées. Et qu'il y avait en dessous d'innombrables victimes. J'en ai eu assez. Je me suis dit qu'il fallait que ça cesse. J'ai décidé il y a quelques années de fonder une famille. Je me suis marié et j'ai deux jeunes enfants. Ma famille et moi, nous avons donc déménagé dans une forêt à la périphérie de Varsovie. Je me suis renseigné auparavant. Cette forêt existait déjà avant la guerre. J'espère bien qu'en allant là-bas, je ne trouverai plus jamais aucun cadavre enseveli sous la terre. Popularne w Polsce, szczerze mówiąc, i w ogóle nie ma w tym szczególnie nic dziwnego, że tak jest, że dużo ludzi nie chce, czy chciałoby się odciąć od C'est quelque chose de très répandu en Pologne, ça ne m'étonne pas tant que cela. Lubią rzeczy przyjemne. Beaucoup de Polonais cherchent à se couper de leur mémoire parce qu'elle est difficile, douloureuse. Et les choses difficiles, on n'aime pas ça. On préfère les choses agréables. Ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, ma famille l'a vécu. Mes grands-parents, plus que mes parents d'ailleurs, je connais leurs témoignages, j'ai entendu leurs récits. Tout ça fait partie de mon histoire, de mes os, de mon sang, de ma peau, de mes cheveux. Il faut vivre avec. Nous portons sans doute ce traumatisme en nous comme un fardeau. C'est comme ça. C'est ce qui nous constitue. Même si c'est lourd à porter, même si ce n'est ni agréable ni joyeux, wspominanie tego nie jest radosne. Même si cela n'aide pas à construire l'avenir. Chyba nie pomaga w budowaniu przyszłości, coś mi się zdaje. No ale jest to kawałek naszego życia. Ça fait partie de nous, de notre vie. Das, was wir heute etwa in Polen sehen, hat Österreich nach 45 sofort ce qui se passe aujourd'hui en Pologne s'était déjà passé en Autriche dès 1945. Mais à la différence de la Pologne, l'Autriche avait fait partie intégrante du Reich allemand et était elle-même très impliquée dans tous les crimes de masse. Pour moi, il ne fait aucun doute que Vienne a été la capitale mondiale de l'antisémitisme. Elle s'est même taillée une réputation grâce à cela. C'est bien connu plus ailleurs qu'ici. Vienne est la ville où Adolf Eichmann a mis au point la politique juive. Et elle était tellement perfectionnée qu'il a pu ensuite l'exporter vers d'autres villes, à Berlin, Prague, Paris ou Varsovie. L'office central de l'émigration juive, c'était ici. Mais Vienne, c'est aussi la ville où l'on cultive la mémoire de l'histoire sans se souvenir du passé et où l'on reporte intégralement la faute sur l'Allemagne. Cela aussi, ça a fait la réputation de Vienne. Und auch das hat sozusagen einen exemplarischen Namen, wenn wir Karl Ueger nehmen. Si vous prenez Karl Ueger, Adolf Eichmann et les réactions antisémites après Auschwitz qui ont entouré la campagne de Kurt Waldheim, so gesehen ist Wien wirklich ein Fokus. Vienne est de ce point de vue de là un véritable foyer de l'antisémitisme. En fait, j'aimerais monter au quatrième étage. J'aimerais pouvoir toquer à la porte, de me retrouver, moi, Agnieszka, petite fille, en train de marcher sur ces escaliers, monter au quatrième étage. Et je me souviens que très souvent, il y a un monsieur qui venait dans la cour. Et c'était un musicien et il venait avec son orgue de Barbarie. Il jouait de la musique et moi je me souviens, j'avais peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je me souviens aussi qu'un jour on a toqué à la porte. Ma mère a ouvert la porte et là il y avait une dame. Elle a fixé du regard ma mère, elle m'a regardée. Elle n'a rien dit, elle n'a jamais rien dit. Je l'ai vue plusieurs fois par la suite. Elle revenait de temps en temps. La seule chose qu'elle faisait, elle remontait la manche de son manteau et montrait un numéro inscrit sur son bras. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je l'ai compris. Je l'ai compris bien plus tard. Je m'appelle Monika Schöffer, je suis la fille du docteur Lucia Heilmann. J'ai 53 ans. Ich lebe in Österreich in der Nähe von Graz. Je vis en Autriche près de Graz. J'ai un rapport très particulier au passé. Je ne peux absolument pas en entendre parler, ou seulement très difficilement. Il m'est tout aussi difficile d'entendre ma propre mère parler de son passé sans me mettre à pleurer, ou sans que l'émotion me submerge. Je m'appelle Viola Heilmann. J'ai 13 ans de plus que ma sœur. Et j'éprouve à peu près la même chose que ma sœur vis-à-vis du passé. Encore aujourd'hui, je suis dans l'incapacité totale de lire des livres ou de voir des films qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, de l'Holocauste. Je ne le peux pas. Et je ne le souhaite pas. J'évite. Je ne me souviens pas non plus d'avoir cherché à interroger mes parents sur leur passé. Il ne voulait pas en parler de toute façon. Surtout ma mère. Mon père n'en parlait pas vraiment non plus. Et quand on l'interrogeait, il ne répondait qu'à moitié. Il n'y avait pas de question. Die Frage ist nicht aufgetaucht. Aucune. Es war ein unausgesprochenes Tabu. C'était quelque chose de complètement tabou de poser des questions. Ich wusste, es gibt keine Frage, die dazu zu stellen ist. Je savais qu'il ne fallait pas aborder ce sujet à la maison. Es wurde nicht gelacht zu Hause, es wurde nicht laut gesprochen. On ne riait pas non plus à la maison. Es wurde überhaupt nicht gesprochen. Il ne fallait pas parler fort. On ne parlait même pas du tout à la maison. Dunkel. Tout était sombre. Es ist, alles ist dunkel. Très sombre. Also physisch hat sich, das et cela s'est très certainement traduit chez moi Perioden der Depression ausgedrückt. Par des épisodes de dépression. Wenn ich mit Freunden, die, d'ailleurs, quand j'en parle avec des amis, Freunden, des amis juifs, qui ont grandi eux aussi comme ça, tous me disent qu'ils ont vécu le même traumatisme, ce même silence traumatique qui planait dans les familles juives en Allemagne et en Autriche. Aber diese Menschen, meine Eltern, meine Großmutter. Mais les gens comme mes parents ou comme ma grand-mère étaient des gens qui parlaient. Wenn irgendjemand etwas sagte, was eine klare Lüge war, dann kreuzten sich die Blicke von meiner Mutter und meiner Großmutter. Quand quelqu'un racontait clairement un mensonge, je me souviens des regards de ma mère et de ma grand-mère qui se croisaient. Meine Mutter wurde heiser und sagte: Was will er uns erzählen? La voix de ma mère devenait rauque et elle disait: Qu'est-ce qu'il nous chante celui-là? Ich war dort. J'y étais, moi. Ich war dort. J'y étais. Das, was uns allerdings bleibt, ist, dass das relevant bleibt. C'est ça qui nous reste, parce que c'est toujours pertinent. Je m'appelle Doron Rabinovitch. Ich bin in diese Stadt gekommen mit 3 oder 4 Jahren hier in Wien. Je suis arrivé à Vienne à l'âge de 3 ou 4 ans. Mein Zeitgefühl ist dadurch geprägt, dass meine Eltern, besonders meine Mutter, mir beibrachte, was geschah, kann wieder geschehen. Ma perception du temps a été profondément marquée par ce que mes parents m'ont appris. Also dieses Bewusstsein, dass die Schicht der Zivilisation sehr dünn ist, war immer präsent. Et surtout par ma mère qui me disait toujours: ce qui s'est passé peut toujours se reproduire. J'ai toujours eu conscience que la couche de civilisation était très fine. Das ist, hat mich bis heute nicht verlassen. Et cela ne m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Das heißt, meine Mutter stammt aus Vilna. Aus dem jüdischen Jerusalem des Nord. Ma mère était originaire de Vilnius, la Jérusalem juive du Nord. Die Vernichtung überlebt haben. Et elle a été l'une des rares jeunes filles de la ville à avoir survécu à l'extermination. Sie war im Ghetto, überlebte die Selektion, kam ins Arbeitslager und ins Vernichtungslager und war dann auf dem Totenmarsch. Elle a survécu au ghetto, à la sélection, s'est retrouvée en camp de travail, en camp d'extermination et a survécu à la marche de la mort. Und von der großen Familie überlebte et de toute ma famille, seul un grand-oncle, ma grand-mère et ma mère ont survécu. Und meine Mutter mochte es nicht, wenn ich gestreifte Pyjamas anhatte. Ma mère n'aimait pas que je porte des pyjamas à rayures. Es kamen solche Dinge vor. Meine Großmutter hatte, ja, man kann sagen, hystérie. Et ma grand-mère faisait des véritables crises d'hystérie. Elle se mettait d'un seul coup à se frapper la tête. Den Mantel angezogen hat und weggehen wollte und wir Kinder. Prenait son manteau et voulait sortir. Nous, les enfants, qui étions seuls avec elle, à la maison, nous essayions de la retenir par le manteau en pleurant. Und das war natürlich, wie ich später verstanden habe, en réalité, eines je ne l'ai compris que plus tard, ma grand-mère souffrait d'un syndrome post-traumatique. Das alles war da, vieles bekam ich ja gar nicht mit. Tout cela était présent, mais je n'en avais pas vraiment conscience. Aufgrund der Träume. Und, sauf quand ma mère hurlait la nuit à cause de ses cauchemars. Et tout cela continue certainement d'agir en moi. Und diese Erinnerung bleibt uns. Le souvenir est là, il reste. Das heißt, wir werden diese Geschichte, diese Vergangenheit weiterhin erinnern, weil sie relevant ist. Et nous continuerons encore à nous souvenir longtemps de cette histoire, de ce passé, parce que c'est toujours justifié. Sie ist relevant, weil das, was damals in der Vernichtung führte, noch nicht überwunden ist. Parce que ce qui a conduit à l'extermination n'a toujours pas été surmonté. Und deswegen stört sie auch. Solange die Leute sagen, es ist genug, weiß ich, dass es noch lange nicht reicht. C'est pour cela que le souvenir dérange. Et tant que les gens continuent à dire ça suffit, je sais que c'est loin d'être suffisant. Il m'arrive aussi parfois d'en avoir assez. En ce moment même, je traverse une phase où je me dis que je vais peut-être laisser tomber. Mais j'ai toujours connu ça. Je n'ai jamais réfléchi au passé. Et cela a duré très longtemps. Je ne me suis jamais demandé s'il y avait la matière à réfléchir. Et pourtant, il faut bien reconnaître qu'il suffisait de s'y pencher. Im Grunde sehr offensichtlich. Et ça devenait évident. In meiner Familiengeschichte gibt es fast nur weiße Blätter. Mon histoire familiale est presque uniquement composée de feuilles blanches. Und obwohl ich irgendwann einen gewissen Punkt meines Lebens sehr wohl versucht habe, même si à un moment de ma vie, sozusagen von Fremden oder von, j'ai sollicité d'autres personnes que moi, anderen Leuten in der Familie, die das, pour remplir ces pages, die dazu befähigt wären, d'autres membres de la famille qui auraient été dans la capacité de le faire, war dieser Versuch vollkommen vergeben. Ces tentatives se sont révélées totalement vaines. Und je mehr ich darüber nachdenke, über die Frage, wie Et plus je médite cette question de dire ou ne pas dire, desto mehr zerbröselt mir das auch ein bisschen zwischen den Fingern. Plus elle s'effrite entre mes doigts. Ich heiße Gábor Schein, ich bin ungarischer Schriftsteller und bin hier in Budapest geboren. Je m'appelle Gábor Schein, je suis un écrivain hongrois, je suis né ici, à Budapest. Und ich komme aus einer jüdischer Familie, sowohl... Je viens d'une famille juive, du côté de mon père comme du côté de ma mère. Die Familien meiner Eltern wurden deportiert. Und Les familles de mes parents ont été déportées. Gemördert im Zweiten Weltkrieg, im ungarischen Holocaust. Pour la plupart, assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste en Hongrie. Mütterlicher Familie, sie haben à la différence de la famille du côté maternel, die Geschichte der Deportation, qui racontait de bout en bout l'histoire de la déportation. Ganz im Gegensatz, die väterliche Familie war völlig stumm. La famille du côté paternel restait complètement muette. Und ich habe es lange nicht verstanden, warum sie so stumm sind. Et longtemps, je n'ai pas compris pourquoi. Aber das war ein ganz stummes Schuldgefühl. C'était en réalité la manifestation silencieuse d'un sentiment de culpabilité. Natürlich Fragen an mein J'avais beau poser des questions à mon entourage. An meine Umgebung, nicht nur an meine Eltern und Großeltern gestellt. Et pas seulement à mes parents ou à mes grands-parents. Und ich habe eigentlich keine Antworten bekommen. Je n'ai jamais obtenu de réponse. Und ehrlich gesagt, Et pour être franc, Orte, Erinnerungsorte, il en a été de même quand j'ai visité les lieux de mémoire. Sind für mich genauso stumm wie meine Familie. Ils sont restés tout aussi muets. Und es dauerte sehr lange, bis ich es so Il m'a fallu très longtemps avant de pouvoir aller à Auschwitz. Et une fois là-bas, j'ai éclaté en sanglots. J'étais là. J'attendais pour acheter mon billet d'entrée. Et je ne faisais que pleurer. Et dann ging ich durch den Lager und Une fois dedans, j'ai traversé le camp. Selbst die Gebäude waren eigentlich stumm. Et comme ma famille, les bâtiments, eux aussi, sont restés totalement muets. Die Erinnerung, sagt Sigmund Freud, ist nicht eine Erinnerung aus der Kindheit. Sigmund Freud l'a écrit. Les souvenirs ne sont pas des souvenirs qui viennent de notre enfance. C'est une Erinnerung an die Kindheit. Mais ce sont des souvenirs d'enfance. Das heißt, es ist immer eine Erinnerung, die wir jetzt in dieser Gegenwart machen. C'est-à-dire qu'un souvenir se fait toujours dans le temps présent. Ich war zwar in anderen Lagern, aber erst J'ai d'ailleurs fait une expérience très étonnante à ce titre. In Auschwitz. J'avais déjà visité d'autres camps, mais je suis allé à Auschwitz-Birkenau il y a 7 ans seulement. Und das Interessante war, Et ce qui m'est arrivé là-bas est très intéressant. Wie ich in Auschwitz war, also jetzt im Stammlager, je parle ici du Stammlager, du camp principal. Da war ein Moment, der für mich erstaunlich war. Denn ich ging auf diese Berge J'étais devant toutes ces montagnes de prothèses, und de cheveux, und Locken, und Koffer. Et de valise. Und ich bin einfach auf einen Koffer zugegangen. Et sans savoir pourquoi, je me suis dirigé vers une valise. Und darauf stand 1020 Wien, Blumauergasse 10. Et cette valise portait l'adresse suivante, rue Blumauer, numéro 10, 20e arrondissement de Vienne. Es war wirklich so. Ça s'est vraiment passé comme ça. Das war der erste Koffer, der mir in den Blick fiel und... C'est cette valise-là qui a attiré en premier mon regard. Dieses Haus ist gegenüber jenem, in dem ich wohne. Et l'adresse qui figurait sur cette valise était l'adresse de la maison qui se trouve juste en face de la mienne. Und da wusste ich, ich muss gar nicht so weit wegfahren, damit mir diese Geschichte, diese Vergangenheit und diese Erinnerung täglich begegnet. J'ai compris depuis ce jour que je n'ai pas besoin d'aller si loin pour me confronter chaque jour à ce passé, à cette histoire, à ce souvenir. Das heißt, die Erinnerung allein und die Stätte allein sagt es noch nicht. Le souvenir seul ou le lieu seul ne signifie rien en soi. Sondern es geht in Wirklichkeit immer darum, wie ich mich dem nähere. Tout dépend de la façon qu'on a de les approcher. J'ai marché parmi les bouleaux de Birkenau, cette capitale du mal que l'homme sait faire à l'homme. J'ai passé la porte de ce qui fut l'enfer. C'est inimaginable, je l'ai dit bien sûr, je l'ai dit comme tout le monde. Il faudrait plutôt dire, c'est inimaginable, donc je dois l'imaginer malgré tout. N'en pas rester à cette impasse de l'imagination. On ne peut jamais dire « il n'y a rien à voir, il n'y a plus rien à voir ». Il faut savoir voir encore, voir malgré tout. C'est à travers un tel regard que les choses commencent à nous regarder. Je crois que c'est en 2011 que je suis retourné, tiré par la main par un ami qui m'a aidé à ce retour. J'avais du mal encore à aller. Je m'appelle Georges Didier Huberman. Je suis né il y a 68 ans à Saint-Étienne. Je suis né dans un milieu, alors mon père c'était un juif tunisien et ma mère c'était la survivante d'une famille donc décimée à Varsovie et dénoncée en France. Elle s'est cachée pendant la guerre et donc un milieu modeste. Mon père était artiste peintre mais il a jamais rien vendu pratiquement. C'était un milieu modeste et à la fois lumineux du côté paternel et très sombre du côté maternel. Avec cette double généalogie, un père qui s'intéressait aux images, enfin qui faisait des images, et une mère qui n'arrivait pas à raconter les histoires liées à la Shoah. Ben, au départ, j'ai choisi les images. Le fait d'être historien de l'art, de s'intéresser à la Renaissance, l'art contemporain, tout ça, ça vous sauve de plein de choses. Vous êtes dans la beauté. Bon, mais à un moment donné, il fallait revenir à quelque chose qui était natif, hein, qui était de toute façon dès le départ. Il fallait donc faire retour. Enfin, un retour. C'est pas un retour. Il ne faut pas confondre le retour de mémoire de celui qui a vécu une chose pareille et nous qui n'avons pas vécu cette chose. Donc c'est pas du tout le même retour. Il s'agit d'un retour psychique d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous avez passé un moment toute votre enfance avec quelque chose qui était incompréhensible, qui était non dit, qui était voilà. Donc vous faites retour sur un terrain d'incompréhensibilité et sur un silence. Et donc c'était un retour très particulier parce que vous allez vers quelque chose et ce quelque chose vous donne en retour. Kiedy pisałam o Polsce tej współczesnej, lorsque j'ai commencé à écrire, je ne m'intéressais qu'à la Pologne contemporaine. Byłam jakoś głucha na tą przeszłość. J'étais en quelque sorte sourde à son passé juif. C'est seulement en lisant Martin Buber, grâce aux histoires acidiques de Buber, que j'ai pris conscience de l'extraordinaire richesse de la civilisation juive qui existait auparavant sur ce territoire et qui a été détruite. Je m'appelle Anna Kral, j'écris des reportages et je suis née à Varsovie. Cela me paraît un peu pathétique et je déteste le pathos, les grands mots. Mais c'est comme ça. Moi, ma vie, c'est écouter et raconter. Les gens ont besoin de raconter. Parce qu'ils veulent que l'on se souvienne d'eux. La mémoire est un besoin fondamental de l'être humain. Il a besoin de se souvenir, mais surtout de ne pas être oublié. Toutes ces histoires viennent à moi. Je ne les cherche pas, elles arrivent d'elles-mêmes. Les gens m'écrivent, m'appellent. Ou ils entrent et ils disent « Maintenant, c'est moi qui parle ». J'essaie de ne poser aucune question. Les gens disent ce qu'ils veulent dire. Et s'ils veulent rester silencieux, ils restent silencieux. Et moi, je partage ce silence avec eux. J'ai écouté beaucoup d'histoires, des dizaines, peut-être même des centaines. Je ne les note pas toutes. J'aime beaucoup les histoires qui arrivent quand je ne m'y attends pas. Je suis en train de parler avec quelqu'un et tout à coup, quelqu'un d'autre arrive et commence à me parler. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Toronto. Une dame mal maquillée est arrivée. Elle s'est assise à côté de moi et s'est mise à me parler de la plus belle cour de Varsovie. Elle s'appelait Dorka Koplowicz. Mes personnages sont pour la plupart loin quelque part dans le monde, à Rio de Janeiro, à Toronto, à Jérusalem. Mais les lieux dont ils parlent sont toujours ici. Quand Dorka me parlait de cette cour, elle était à Toronto, mais la cour se trouvait ici. Une fois rentrée à Varsovie, je suis allée voir cette cour. Elle n'était plus là, évidemment, mais il restait quelques pavés par-ci, par-là, un arbre avec des mirabelles qu'un idiot de promoteur a fini par couper. Juste quelques arbres, quelques pavés. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait encore des traces de cette cour dans l'air ou dans le ciel, car tout s'était presque dissipé. Mais quelque chose me disait que c'était vraiment ici. J'entre à chaque fois dans ce monde comme si c'était mon monde à moi, bien que je ne le connaisse pas. C'est là-dessus que repose toute ma vie. on travaille sur cette conscience inhérente d'une perte. Ce sentiment qu'il y avait ici, autrefois, une civilisation riche et merveilleuse, qu'elle a pris fin ici et qu'elle ne renaîtra plus jamais. Nous sommes dans le cimetière d'Eisenkappel. C'est un cimetière assez impressionnant. Il est situé juste à l'entrée du village. Je m'y arrête souvent et je vais rendre visite aux morts, aux ancêtres. C'est comme si toute l'histoire du village était concentrée dans ce cimetière. Au moins tous ceux qui sont morts et leurs noms. Là, c'est la tombe de la famille Grigoritsch. J'ai parlé d'eux dans mon livre. Là, c'est Helene Lesnik, qui est enterrée ici. Elle a survécu à Auschwitz et à Ravensbrück. Certains racontent qu'elle était devenue folle à Auschwitz, mais c'est elle qui a porté ma grand-mère à sa sortie du camp, parce qu'elle était trop faible pour marcher. Pendant 2 jours, elle a porté ma grand-mère. La Helene Lesnik. Dans mon livre, je raconte ma rencontre avec elle. C'était un repas de chasse. Je devais lui transmettre les salutations de ma grand-mère. Mais elle n'a pas vraiment compris ce que je lui racontais. C'était trop tard. Sie war dann einfach in einer anderen Welt schon. Elle n'était déjà plus tout à fait de ce monde. On continue? Allons voir par ici. Là, c'est Jochen. Il a été arrêté en même temps que mon père. J'ai parlé de lui aussi. Ils étaient encore enfants à l'époque. Jochi avait 5 ans de plus que mon père. Je l'ai très bien connu. Il figure aussi dans mon livre. Il m'a raconté beaucoup de choses. Mein Name ist Maja Haderlapp. Je m'appelle Maja Haderlapp. Ich bin in Kärnten geboren, im Je suis né en Carinthie, Teil oder in der südlichsten Region à l'extrême sud de l'Autriche, an der slowenischen, à la frontière slovène, anciennement yougoslave, in Bad Eisenkappel, Železna Kapla, à Bad Eisenkappel. In meinem Schreiben, obwohl das Même si cela s'est fait presque contre mon gré, le passé joue un rôle très important, déterminant dans tout ce que j'écris. C'est une sorte de défi latent. Natürlich, ich habe sehr viele Bücher gelesen. J'ai lu bien évidemment beaucoup de choses sur le sujet. Über Spätfolgen gelesen und über Traumatisierungen. Sur les séquelles du passé, les traumatismes et toutes ces sortes de choses. Je sentais pourtant qu'il fallait que je me libère, que je prenne mes distances avec tout ça. Mais je suis toujours revenue à ces thèmes parce qu'il me semblait que je devais travailler ces événements. Que je devais d'une manière ou d'une autre m'y confronter pour avoir une chance de me retrouver un jour dans le présent. J'ai interrogé mon oncle, j'ai interrogé ma mère, surtout mon oncle qui avait pris beaucoup de notes, mais aussi ma mère. J'ai fait quantité de recherches. Je suis allée aux archives de Vienne, aux archives de la résistance autrichienne, à la Bibliothèque nationale, aux archives de Klagenfurt. Et je me suis rendue dans les camps, au mémorial. J'avais besoin d'éprouver l'espace, d'en prendre la mesure, évaluer le temps nécessaire pour parcourir le camp ou pour se rendre d'une baraque à une autre, mesurer la taille de la place d'appel, compter le nombre de baraques sur cette place. Et j'ai dû, bien sûr, recourir à d'autres moyens, comme les photos. J'ai surtout regardé des photos des proches sur lesquelles j'étais en train d'écrire, des photos de ma grand-mère, des photos de mariage de la famille. Ce ne sont que des outils assez précaires, mais je ne peux pas faire sans. Je ne suis pas un témoin. Je n'ai pas vécu cette époque. Et bon, moi, je... Comme je fais souvent, je fais beaucoup de photos. Ça me protège quelque part d'une autre expression des émotions. Voilà. Ce jour-là, à Birkenau, il faisait beau, le ciel était d'un gris métallisé mais chaud. C'était en juin et l'appareil de photo que j'avais avait un petit écran numérique et je voyais rien du tout. Donc j'ai fait pendant une après-midi entière des photos à l'aveugle pratiquement et sans aucun but, avec cette espèce de lueur bizarre pour indiquer que je suis à la fois près de ce document et trop loin de ce document. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vu les photos et en quelques heures, même pas, j'ai fait un montage, j'ai dû en garder 12 ou quelque chose comme ça, et il a suffi d'écrire quelques mots sous chaque photo. C'est devenu un récit, voilà. Il fallait faire un récit de cette déambulation. La destruction éparpille tout. Chose, corps, âme, espace, temps. Tout est fracassé, fractionné, fragmenté, tout est déchiré. Mais, de ce multiple en éclat, il peut naître aussi quelque chose. Pour peu qu'une voix s'élève, qu'une écriture prenne le relais. Aber ja, wir kommen nicht aus dem Nichts. Nous ne venons pas de nulle part. Und man muss das trotzdem, und wenn man es nicht explizit benennt. Et même si on ne parvient pas à nommer les choses explicitement, il faut quand même essayer. Da ist noch ein Nachhall, und diesen Nachhall der Geschichte und des. L'histoire résonne encore. Was da war, das darf man nicht überhören. On ne doit pas rester sourd à cette résonance de l'histoire, à tout ce qui a été. Und aus meinen unzähligen, aber eigentlich immer der gleichen unbeantworteten Fragen. Toutes ces innombrables questions. Hat sich mir die Freiheit auch ergeben. Qui ont toujours été les mêmes et qui sont toujours restés sans réponse. Vielleicht auch eine gewisse Wut. Auront finalement éveillé en moi peut-être un peu de colère. Aber vor allem Freiheit, denke ich. Eine Geschichte selbst zu. Mais surtout la liberté. In diesen Raum hineinzubeben. La liberté de tisser moi-même les fils d'une histoire. Einen Griff in die Tiefe der Zeit. D'oser plonger dans les profondeurs d'un passé. Die ich selbst gar nicht miterlebt habe zu machen. Que je n'ai pas moi-même vécu. Und dann in die Gegenwart zu gehen und dort auch zu bleiben. Et puis de rejoindre mon présent et d'y rester. Les retours du passé. Avec Georges Didier Huberman, historien d'art et écrivain. Dariush Gaïevski, réalisateur et scénariste. Maya Haderlap, écrivaine. Monica et Viola Heilmann, filles de la survivante Lucia Heilmann. Reinhard Kaiser Mühlecker, écrivain. Hanna Krall, journaliste et écrivaine. Przemysław Nowakowski, scénariste et écrivain. Doron Rabinowicz, historien et écrivain. Gabor Schein, écrivain. Et Agnieszka Zgieb, traductrice. Voix, Andrea Schiffer, Igor Menjinski, Alexandra Yermak et Arben Bayraktaray. Traduction, Agnieszka Zgieb, Christine Le Cerf. Documentation, Maria Contreras. Prise de son, Benjamin Thuot et Célestin Navarro. Mixage, Benjamin Thuot. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Varsovie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, écrire l'histoire.